Et voilà maintenant le nouveau style de l'orchestre Mayopi. Bandeko bolingo toko senga na motonyo so akota na piste. Bitumba te koswa na te matata te. Mubitisme esengi boyokani. Bandeko zara seko. A vous l'orchestre Mayopi. mete yo yo. Good night.